Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémouzo 107 FM pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Guémouzo 107 FM, comme je viens de le dire. Et pour l'édition de ce soir, on va parler de musique avec un artiste local issu des studios Airplay. Il s'agit de Cosmos. Bonsoir Cosmos. Bonsoir. Et puis il y a bien sûr un qui dit émission musicale, dit consultant musique. Et bien qui est là ce soir dans le studio ? C'est Mickaël, bonjour. Bonjour Mickaël, j'en profite aussi pour passer le bonjour aux auditeurs qui, comme tous les soirs, suivent l'émission. Et tant qu'à faire, on est en tout début d'émission, donc c'est le moment de passer un message entre guillemets urgent, même imminent, vu qu'il y a en ce moment même au Champ de Mars une marche pour le maintien de l'hôpital public de Remiremont et de la vie dans les vallées. Donc ensemble, disons non à la désertification médicale, économique et sociale, exigeant le maintien et l'amélioration de l'hôpital et de la maternité de proximité avec l'intégralité de la permanence des soins, y compris en cardiologie, là où les effectifs se sont réduits. Donc rendez-vous au Champ de Mars maintenant, hein, à Remiremont. De toute façon, vous en faites pas, vous pouvez toujours laisser le poste allumé, vous nous captez très très bien depuis le Champ de Mars, hein. Rien ne vous empêche de suivre l'émission. Donc au moins, j'ai passé le message concernant l'association ADMAT qui continue à se battre pour le maintien de l'hôpital. Et voilà, le message est transmis, donc je peux me consacrer pleinement à mon invité de ce soir, Cosmos. Bien entendu avec en tandem Mika, mais ça vous le savez vu qu'on vient de le dire. Et bien Cosmos, hein, j'imagine que c'est une première à la radio, non ? Oui, une toute première, c'est la première fois que je passe à la radio. Bon, et bien, bienvenue. Bienvenue aussi à Radio Guémouzo. Et dis-moi, les auditeurs, vu que c'est une première et qu'ils ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter auprès d'eux ? Alors, déjà, je suis un slammeur. Je pratique l'art du slam, comme certains artistes grand corps malade qui m'ont énormément inspiré. Et je fais partie du, comme vous l'aviez dit, du Airplay Records. Et j'ai sorti mon premier EP, Plus que des paroles, qui traite du harcèlement scolaire. Plus que des paroles, qui est d'ailleurs sorti le 4 mai 2018, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, le 4 mai. Voilà, donc on va retracer en fait tout doucement ton parcours, tes influences musicales, tes influences de texte aussi, vu que, on l'a bien compris, avant toute chose, tu es un slammeur, donc tu écris. Mais dis-moi, voilà, donc au moins je pose la question, tu écris. Est-ce que tu joues d'un instrument ? J'ai essayé d'apprendre à jouer du violon, oui, cette année, vu que j'ai essayé de faire une première année en musicologie. Malheureusement, je n'ai pas validé ma première année, mais j'ai au moins essayé de jouer d'un instrument, mais je préfère plutôt écrire. Je joue avec les lettres. Mon instrument, c'est l'alphabet. Eh bien, tu l'as tellement bien dit, hein. Après tout, déjà, le plus important, c'est d'essayer. Et puis, ça me permet quand même de dire que le violon, c'est pas un instrument très facile à jouer. Donc, tu n'as pas fait dans la facilité, mais au moins, tu as tenté et tu as quand même trouvé ta voix dans les mots, dans les lettres, dans les textes. Et comme tu le disais, hein, tu écris. Dis-moi, ça fait longtemps que tu écris ? C'est une passion qui t'est venue quand ? Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Jean Ferrat. Donc Jean Ferrat, Georges Brassens, les références que mon père aimait bien. Et il me disait, écoute les textes, ils sont fabuleux, écoute les textes. Et moi, au début, ça ne m'attirait pas d'écrire des textes. Et après, en quatrième, vu que c'est l'année où le harcèlement scolaire a fait plus de dégâts en moi psychologiquement, j'ai voulu écrire pour dire ce qui m'est arrivé et aussi pour exprimer un peu les mots de mon cœur, parce qu'il y avait des moments où j'étais un peu perdu. Et j'avais juste le papier comme ami, on va dire. Oui. Alors j'ai écrit sur du papier. Et après, en troisième, j'ai continué. En seconde, j'ai arrêté. Et là, en première, c'était l'explosion. Je me suis dit, allez, fais de l'écriture, fais de l'écriture. Et depuis, je fais ça régulièrement. Donc ça fait, si on calcule, parce que tu es très jeune, hein, tu commences tout juste ta carrière musicale, et j'espère sincèrement que ce n'est qu'un début. Donc ça, fait quelques années maintenant que tu écris. Oui, tu as dit qu'initialement tu n'étais pas tant texte, tu étais plus musique. Quel était le style musical dans lequel tu te sentais bien, ou est-ce qu'il y avait un style qui te parlait en particulier ? Alors, au début, j'étais beaucoup dans le style de la musique française, Georges Brassens, Jean Ferrat, un peu Elvis Presley, tout ce qui touche à un peu la musique populaire qu'on écoute un peu. Et après, vu que j'ai mué et que j'arrivais pas trop à chanter, je trouvais pas trop de musique où je pouvais m'exercer sans dire que je chantais mal. Jusqu'à ce que je découvre le rap avec le groupe Section d'Assaut, et après je me suis intéressé à plusieurs artistes dans le rap, et après je me suis intéressé au slam en voyant Grand Corps Malade. Donc voilà, les choses sont allées au fur et à mesure avec toi, hein, c'est de rencontre en rencontre, hein, on voit bien qu'au sein de ton parcours musical, tu as évolué, et j'aimerais savoir, parce que tu m'as dit, hein, t'écrivais un petit peu, mais pas tant, jusqu'au moment où en première, il y a quelque chose qui s'est passé, où tu t'es vraiment mis dedans. Qu'est-ce qui a été, enfin, est-ce que tu as eu un déclic à ce moment-là ? En seconde, j'écrivais pour exprimer une certaine douleur, donc forcément les textes n'étaient pas très joyeux, voire même très noirs. Et après, en première, il y a eu la première journée de lutte contre le harcèlement en novembre, et je me suis dit, ben remets-toi, vas-y, réécris un texte contre le harcèlement et publie-le sur YouTube. Et je l'ai publié sur YouTube. Et après, ben, pour rigoler, je l'ai rigolé entre guillemets. Je l'ai publié à. J'ai envoyé un message à l'association Marion la main tendue, qui est gérée par Nora Fraisse. Et je ne m'attendais pas du tout à une réponse. Et cette dame a dit bravo, c'est super, je partage sur Twitter et sur Facebook. Et là, ça a été le déclic. Et j'ai fait un petit buzz, et après mon prof de musique a vu ce que j'ai fait, il est venu me voir et il a dit fais-le au concert de fin d'année au lycée, parce que vraiment c'est trop beau ce que tu as fait. Oui. Et là ça a été vraiment le démarrage, et je dois tout à cette femme Nora Fraisse. Pour moi, je lui dois tout, parce que elle a quand même perdu sa fille à cause du harcèlement scolaire. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu le livre, du moins si vous avez lu le livre Marion 13 ans pour toujours, ou que vous aviez vu le film qui a été diffusé sur France 3, qui s'inspire de ce récit. Hélas, les histoires sordides de harcèlement sont très nombreuses, mais je note quand même la référence. Hein, ce sera un film et un livre que je ne tarderai à apprendre à connaître. Oui. Ben oui, j'attendrai pas beaucoup. C'est ce livre qui. Excusez-moi de vous. Non, avoir non, mais coupé. Je t'en. Mais tue-toi. Oui, moi. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ce livre m'a provoqué un déclic, oui. Parce que je me suis senti moins seul. Parce qu'au début, je me disais, il n'y a que moi qui vis ça, il n'y a que moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, publie sur YouTube ton premier son. Et là, quand Nora Fraisse a partagé ma musique. Et là, j'ai fait un petit buzz qui m'a dit « Vas-y, continue ». Et j'ai écrit au fur et à mesure, j'ai voulu évoluer. Parce qu'au début, je disais « Je vais rester comme ci, comme ça ». Je voulais rester dans des blocs parce que j'étais parti dans l'idée, on reste dans des blocs, donc on doit y rester. Et en fin de compte, non, je me suis trompé. Et en m'ouvrant un peu au monde, je suis devenu Cosmos. Tu es devenu Cosmos, hein, la chenille est devenue chrysalide puis papillon. Je me permets quand même de rappeler le dicton tellement connu, c'est qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc oui, voilà. tu as traversé des choses qui t'ont rendu plus fort. Est-ce que tu te sentirais de partager ton témoignage aux auditeurs ou c'est trop douloureux? Je pense que je préfère en parler parce que peut-être qu'à mon avis, derrière le micro, il y a quelqu'un qui subit le harcèlement, alors je préfère être utile. Eh bien, je t'en prie, on t'écoute. Quelle est la période de ta jeunesse, de ton adolescence, où tu as subi du harcèlement et où ça a peut-être commencé à être très dur? Alors, ça a démarré doucement en sixième. Il y en avait des grands qui disaient « Oh, le petit sixième, machin ». Quoi, ce qu'on dit habituellement au sixième quand ils arrivent au collège. Et j'avais pas trop de problèmes à ce niveau-là parce que une fois, j'ai été agressé et j'ai eu le réflexe d'aller voir le directeur et dire « Il se passe quelque chose ». Et j'ai à peine eu le temps de lui expliquer qu'il m'a dit « Retourne en classe, je m'occupe de lui ». Et effectivement, 30 minutes plus tard, il était dans le couloir à dire à mon agresseur « Tu recommences pas ». Alors j'étais en sécurité, oui. Parce qu'on m'embêtait pas trop, à part des petites gamineries en sixième, on va dire que c'est pardonnable. Mais en cinquième, là on change de directeur. Et le directeur en question, je suis venu le voir justement pour une petite histoire de ce genre. Il m'a juste dit, eh ben, ça passera. C'est des gamineries, c'est de ton âge, c'est normal. Et pour moi, c'était pas normal, parce que me faire insulter de portugais tous les jours, j'en avais plus qu'assez. Parce que tu es issu d'une communauté portugaise? Oui, hein. Voilà, mon père est d'origine portugaise. Ah oui, donc tu as aussi subi une certaine forme de racisme. Oui, du moins pas hyper forte, mais assez pour que ça soit du harcèlement. Oui. Mais je m'en contrefichais. Il y avait quand même une douleur psychologique, mais pas énorme. Et après, en quatrième, je rencontre une fille et on devient amis, mais au fond de moi, ben voilà, c'était plus fort que de l'amitié. Oui. Et ça s'est su très vite. Et ils en ont profité pour me percer le cœur. Vraiment, ils ont insisté à fond là-dessus. Et ils ont dit, elle t'aime pas parce que t'es un portugais, parce que t'es nul, parce que t'es nul en maths. J'avais 2 de moyenne en maths, donc forcément, ils arrivaient à me percer le cœur avec ça. Et là, vraiment, ils sont allés... vraiment, ils ont été cruels. Oui. Ils ont monté d'échelle en échelle en échelle. Et c'est allé d'insultes. Après ça a été les frappes, après ça a été les frappes en réunion, c'est-à-dire tout le monde se réunit et on le tape dessus parce qu'il a raison. Et en quatrième, ben, justement en juin, je fais une crise d'angoisse et en sortant de cette crise d'angoisse, je me dis, j'écris mon premier texte. Alors j'écris un texte non harcèlement sur l'ère d'Africain de Section d'Assaut, parce que Section d'Assaut était vraiment à la mode en 2013. Et je me suis dit, vas-y. Tu vas faire ça. Et la prof de musique a adoré. La classe, ben, savait pas trop quoi dire. Mais toujours est-il que ça s'est su très vite. Et les harceleurs m'ont dit, si tu fais encore un slam sur le harcèlement, on te bute. Et finalement, je me suis dit, bon ben, je vais faire du slam sur autre chose. Mais je montrais que je voulais devenir slammeur, même si eux, ils voulaient pas. Ouais. Et en troisième, j'ai fait un slam sur Verdun et j'ai eu une très bonne note. Et encore une fois, c'est « Oh, c'est parce que t'es faillot aussi, et machin truc ». Alors, je suis sorti avec un brevet mention assez bien, ce qui est déjà pas mal avec tout ce que j'ai enduré. Et en seconde, là, c'était l'explosion totale, c'est-à-dire crise d'angoisse toutes les 2 semaines. On se demandait qu'est-ce que j'avais. Et je faisais des crises d'angoisse hyper aiguës et on croyait que c'était des tentatives de suicide au début. On se demandait vraiment ce qui se passait. On disait, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et après, je vais voir un psychologue et je lui explique ce qui s'est passé. Et là, il me dit, ne cherchez pas, ça vient de là. Tout ce que vous avez accumulé, tout ce que vous avez caché, ça vient de là. Et moi, je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est des gamineries. J'ai oublié. Oui, ma conscience a oublié, mais pas mon inconscience. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce gros déclic. Il faut dire qu'en troisième, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'obstacles qui se sont présentés à moi. Parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir eu un ami qui me soutenait en quatrième, qui en troisième n'était pas là, et qui en plus, malheureusement, la nature en a décidé autrement, parce qu'il a eu une maladie grave. Et moi, j'étais perdu. Pour lui, c'était mon repère et je l'avais perdu. Et j'avais ni la confiance de mes amis, ni la confiance envers le monde, parce que je me disais, si on fait ça, c'est normal. Mais finalement, non, c'est pas normal. Le harcèlement, c'est pas normal. Non. Et se taire, c'est donner raison. Et j'insiste encore, s'il y en a un qui est harcelé, qui m'écoute, vraiment, ose en parler. Ose en parler, parce que aujourd'hui, il y a au moins une loi qui a été votée en 2014. Alors vas-y, continue. Parce que il y a de plus en plus de jeunes qui prennent la parole, alors il ne faut pas avoir honte de prendre la parole. Non. Et j'ai voulu taper fort en créant ce EP. Oui, et tu as pris la parole à ta façon pour dénoncer le harcèlement que tu as subi, pour évacuer aussi oui, voilà. Ce que tu as vécu, parce que tu t'en as quand même accumulé des vertes et des pas mûres. Et la première fois que tu t'es produit que tu as chanté tes textes en public, ou vraiment en public, hein, il me semble que c'était le titre NAH, Na. Je sais pas vraiment comment ça se dit. NAH plutôt. N-A-H. C'est inspiré du sigle qui circulait pendant la première journée contre le harcèlement. Et moi, je voulais appeler ça au début non-harcèlement, mais pour moi, c'était trop long. Et je me suis dit NAH, voilà, comme l'hashtag. Ah oui, pourquoi pas. Donc, le premier titre qu'on va s'écouter, c'est NAH. On va entrer dans ta bulle, dans ton univers, dans ton cosmos. Et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Longtemps dans mon cœur, j'ai gardé ce mal-être que j'ai trimballé avec moi lorsque je croisais les traîtres. Aujourd'hui, j'ose en parler de ces années d'enfer. Trop d'enfants à l'école et sur internet ont souffert. Descendant d'un métissage, on m'appelait le bâtard. Voilà pourquoi moi-même, j'avais ce coup de poignard. Je pouvais pas garder la tête haute comme je le pensais. Car trop d'injustices en ces années se sont accumulées. Les insultes font mal car tu crois qu'elles ont raison. Faire du mal pour le sourire est-elle une bonne raison? Tous ces visages noircissent à force d'être souffre-douleur. Tu te caches pour vider ton sac de pleurs. Toi qui souffres tous les jours, tu aimerais en finir. Mais quand tu t'approches du collège, tu entends déjà les fous rires. Garde confiance en toi, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que maintenant, je veux que ce soit toi qui parle. En ce moment, tous les gens qui souffrent, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, pour le rendre meilleur, je veux faire exprimer les cœurs. Exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. Quand je repense aux grands qui se sont suicidés, Mathéo, Bruno, Marion, Fraisse, je me dis là c'est décidé. À force de coffrer tant de haine dans un si petit corps, j'ai remarqué qu'avec le temps, j'étais moins fort. Ouvrez les yeux, juste un instant. Dans les écoles, c'est pas un seul, c'est plusieurs enfants. Nora, je pense fortement à ta fille. En écrivant ce livre, tu lui as confié une autre vie. Virginie, ton fils reste à jamais dans nos esprits. Je rends des gens heureux et comme lui j'écris. Gardons la tête haute pour faire vivre nos enfants. On fera tout pour braver le harcèlement. Je m'adresse à la direction des collèges. Je m'adresse aux académies, aux écoles et aux universités. Si vous faites la sourde oreille, un jour ou l'autre, vous allez le regretter. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, tous les gens qui souffrent, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, pour le rendre meilleur, je fais exprimer les cœurs. Exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. On doit se manifester, dire nos droits, mais que la violence doit être dispensée. Aider les suicidaires, je sais ce que c'est. Après 3 tentatives, je connais bien cette misère. Ne rejetez personne, ce n'est pas le physique qui va définir la personne. Regardons-nous dans les yeux, on est tous pareils. Pourquoi on s'entretue comme des gueux? L'homme a appris à haïr, mais il peut apprendre à aimer. On a le poing levé comme Nelson Mandela. Gardons le sourire pour avancer. Prenez votre stylo, tous ensemble on va écrire ce qu'on a vécu étant ado. Défendons la justice, ensemble on va aider les élèves du monde qui sont dans le précipice. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, tous les gens qui souffrent, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, pour le rendre meilleur, je veux faire exprimer les cœurs. Exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, tous les gens qui souffrent, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, pour le rendre meilleur, je veux faire exprimer les cœurs. Exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau NAH, autrement dit non au harcèlement, de mon invité de ce soir, Cosmos, qui a donné un témoignage assez poignant sur ton vécu. Hein. Après tout, tu as écrit sur ce que tu as vécu et t'en as bavé littéralement. Dans ton texte, tu parlais aussi de loi. Je voulais revenir rapidement là-dessus. Hein. Enfin, on va pas clore la parenthèse harcèlement, mais on va peut-être bientôt se diriger plus vers ton parcours et tes influences et tout ce qui va avec. Mais d'ailleurs, dis-moi, toi, en tant qu'écolier, enfin en tant qu'ancien écolier, ou du moins, je sais pas si tu es encore scolarisé, bref, ça me regarde pas. dis-moi, quels sont les, enfin, est-ce que tu sais s'il y a des dispositifs ou des campagnes, parce que c'est vrai qu'on les voit à la télé partout, ces campagnes anti-harcèlement. On sait qu'il y a des dispositifs, des machins comme ça, mais il y a ce que le gouvernement annonce sur le papier ou ce qu'il montre au commun des mortels. Il en est quoi sur le terrain? Alors, c'est assez compliqué parce que, oui, il y a quand même une campagne contre le harcèlement qui est mise en place, notamment sur Facebook. Il y a beaucoup d'associations qui m'ont soutenu, qui ont fait de la pub pour mon projet plus que des paroles. Et ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, je les remercie. Et il y a des écoutes sur les réseaux sociaux. Et d'après ce que j'ai entendu, ils veulent faire une formation pour qu'il y ait des psychologues spécialisés dans ça. Il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs qui sont réfléchis, mais qui ne sont pas encore établis. C'est assez difficile de répondre à cette question. Oui. Mais je sais qu'il y a beaucoup de forums contre le harcèlement scolaire, notamment des associations qui s'occupent des familles endeuillées suite à un suicide à cause du harcèlement scolaire. Et d'ailleurs, pour moi, c'est important d'aider des familles, parce que récemment, sur Facebook, j'ai parlé avec un homme qui a perdu ses 2 enfants à cause du harcèlement scolaire. Un qui s'appelait Robin et un autre Paul, qui ont été harcelés parce qu'ils étaient roux. Ah oui, donc oui. Ça, comme Matteo Bruno, qui a été très médiatisé à un moment et qui m'a choqué, qui faisait du rap comme moi. Et qui a été harcelé parce qu'il était roux et il s'est pendu, malheureusement. On peut dire aussi que le harcèlement, disons, que c'est qu'une excuse pour faire du mal à quelqu'un, une excuse complètement débile, hein, qu'on soit roux d'origine portugaise, je sais pas, qu'on soit, bon, ce qui arrive fréquemment aussi, c'est l'obésité, ou qu'on ait des prénoms à coucher dehors, enfin bref, il y a toutes sortes de harcèlement, mais il faut pas oublier, c'est pas une excuse, hein, il faut agir, il faut le dénoncer, et oui, tu as dit, tu aides des familles, enfin des parents endeuillés. Non, disons que j'aide pas, oui. Mais j'ai pu discuter avec ces personnes-là parce que je reste ouvert socialement. Oui. Même si quand j'étais adolescent, je me refermais un petit peu. Dès l'instant que je peux aider, du moins c'est de ma nature, je fais pas de l'art pour moi tout seul, je fais de l'art pour aider. Et si je peux aider par les réseaux sociaux, je fais toujours ce que je peux. Même si malheureusement c'est pas énorme, j'essaye de donner de l'espoir là où il y a du noir. Oui, et après tout, donner du temps aux gens pour discuter avec eux et peut-être les aider à apaiser leur peine, c'est les aider quand même, hein, c'est ta manière à toi de les aider, et j'imagine que ça peut leur faire du bien. Puis c'est ta manière à toi de lutter contre le harcèlement avec, en plus, tes textes, hein, tes morceaux, on en a encore quelques autres à s'écouter. Comme on disait, oui, tes textes parlent de harcèlement. Tu t'es inspiré de ton vécu. Et est-ce qu'il y avait un artiste en particulier qui t'a aidé ou qui t'a un petit peu inspiré pour une manière d'écrire, un angle à aborder ou un registre peut-être à aborder. Au début, quand j'écrivais, dès l'instant qu'il y avait une musique qui m'éveillait une émotion qui présentait le mal-être ou la confusion, parce que dans le harcèlement scolaire, il y a beaucoup de confusion, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les prétextes sont possibles pour harceler, ce qui est complètement idiot, ce qui explique pourquoi ça fait énormément de dégâts psychologiques. Mais au début, je m'inspirais d'émotions. Dès l'instant qu'une musique me donnait de l'émotion, je faisais un slam dessus. Et après, au fur et à mesure, j'ai découvert la technique musicale. J'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui dans le EP. Oui, ton EP qui, je le rappelle, hein, s'intitule « Plus que des paroles » qui est sorti le 4 mai 2018, c'est assez frais. On le rappellera peut-être, mais si un auditeur a peut-être envie de se le procurer, comment ça se passe et combien il coûte ? Alors, il est disponible au studio Airplay Records à Remiremont. Et vous pouvez aussi envoyer un message sur la page Cosmos officielle, la page Facebook. Et il est disponible au prix de 7 euros. Il n'est pas encore disponible sur les plateformes digitales, oui. Mais le projet est en cours. On va essayer de le mettre sur les plateformes digitales parce que c'est énormément demandé. Et rassurez-vous, il sera bientôt sur les plateformes digitales. Eh bien, on l'espère. Tu nous tiendras au courant qu'on puisse tenir aussi les auditeurs au fait de tes dernières actualités. Donc on a parlé de tes textes, on n'a pas trop parlé de tes musiques aussi. Ces musiques, est-ce que c'est toi qui les composes ? Alors, pas vraiment, du moins. Je vois l'émotion que je veux mettre, parce que pour moi, un texte sans musique qui correspond à l'émotion que je veux mettre, c'est pas vraiment une musique pour moi. Du moins, c'est pas la musique qui me ressemble. Oui. Et j'ai travaillé avec un ingénieur du son qui s'appelle Dorian, qui est l'ingé son du Airplay Record. Et vraiment, il fait un sacré bon boulot et vraiment, je le remercie pour toutes les compositions instrumentales, parce que niveau instrument, je suis pas fortif, on va dire. Oui. D'après ce que tu dis là, tu traduis tes émotions par des sons, des musiques que l'ingénieur du son te trouve. Du moins, j'explique à l'ingénieur du son ce que je veux. En émotion, donc tu dis telle émotion et lui la traduit par un son. Oui, voilà, du moins, ça part un peu d'une maquette, d'une musique qui existe déjà. Mais on se base beaucoup sur l'émotion et sur ce que je veux mettre. Comme par exemple, je dis « Ah, je veux du violon, on va mettre un son de violon. Ah, je veux du piano, on va mettre du piano. » Et c'est un travail collectif. C'est comme ça que j'avance, du moins qu'on avance dans le travail instrumental. Mais moi, quand je slam, je veux vraiment qu'il y ait un accompagnement instrumental assez bien travaillé. Bien entendu. Et d'ailleurs, dis-moi, comme tu travailles avec Airplay, on n'a pas trop parlé de ta rencontre et ta collaboration avec Airplay. Donc, ça fait combien de temps et comment ça s'est fait ? Voilà, ça allait très très vite. Je m'y attendais pas. Parce que quand NAH marchait sur YouTube, c'était sur une instrumentale, je crois que c'était sur section d'assaut à Instinct de survie, oui, qu'on avait remixé avec des copains. Mais j'avais pas monétisé la vidéo YouTube, donc les droits d'auteur étaient respectés. Moi, je voulais respecter les droits d'auteur, donc je voulais pas me faire de sous sur des instrumentales qui existaient déjà. Et j'avais partagé à Bous et à Mustapha, et il m'a dit « ben, on se reverra peut-être un jour ». Et quand j'ai vu que le studio Airplay Records était ouvert, j'en ai discuté un petit peu avec Mustapha par Facebook. Et à un moment, j'ai dit, est-ce que je peux visiter pour voir un peu à quoi ça ressemble, juste par curiosité. Et je rencontre l'équipe Airplay et j'en parle. Je parle de mon vécu à la fois et je parle des morceaux que j'ai déjà faits. Et ils étaient vraiment intéressés. J'étais en compagnie de mon père parce qu'il me surveillait beaucoup à cette époque-là. Et il me disait, fais attention Maxime, ne te fais pas de rêve. Je vais t'accompagner, mais on verra après. Oui. Et après cette discussion avec le Airplay, un soir, il me dit, bon, ben, on va remonter au Airplay. Alors, je dis, ben, pourquoi faire ? Attends, tu vas voir. Et là, on discute avec Mousse d'un soi-disant contrat. Et moi, au début, j'avais peur. Je me disais, non, on va pas faire ça. Pour moi, c'est de la musique de gamin. C'est juste de la musique pour aller mieux. C'est pas de la musique à diffuser. Et Mustapha, il m'a dit, je ne suis pas à 100%, je suis à 1000%. Et mes parents m'ont regardé le soir, ils m'ont dit, bon ben, on va te payer le contrat et tu vas faire ce que tu dois faire parce que tu n'as rien à perdre. Tu as vécu trop de trucs et tu es notre fils, on veut que tu sois heureux, alors vas-y. Alors je veux qu'on remercie mes parents, donc voilà, je les applaudis bien fort. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde dans le studio, mais voilà. Non, mais le cœur y est. C'est grâce à mes parents que j'ai pu avancer et j'ai eu une chance de malade. Une chance de malade. En effet, tu as eu énormément de chance, énormément de soutien. Tu as su rencontrer les bonnes personnes qui ont su avoir les bons mots, les bons gestes avec toi. Et c'est tout un monde, en fait, qui permet de t'épanouir. Et c'est d'ailleurs le titre de la pause musicale suivante qu'on va s'écouter. Le monde, c'est nous, toujours de l'album Plus que des paroles. Donc on s'écoute cette parenthèse sonore et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Allons-y, vers le bonheur, tous unis, moment qu'on s'aime. Regarde-nous, on est tous en vie. Le monde c'est nous, chacun sa story. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. History, history, history. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. Pour une nouvelle ère, lâchons les armes pour qu'il y ait moins de larmes. Il y a toujours de l'espoir. Ensemble, écrivons-la notre histoire. History, history, history. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. History, history, history. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Le Monde c'est nous de Cosmos, de son album, de son EP Plus que des paroles, hein, sorti le 4 mai 2018. Et si un auditeur, je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure tellement j'étais absorbée par la discussion avec toi. Donc si un auditeur veut réagir sans aucun problème, hein, appelez-nous au 03 29 62 40 40 ou envoyez-nous un message sur notre page Facebook Radio Gamozo. Ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions ou qu'on transmettra vos témoignages aussi. Ne vous inquiétez pas, la ligne est ouverte et c'est avec plaisir qu'on accueillera vos mots, ce que vous avez à dire. En attendant, je suis toujours avec Mika et Cosmos pour présenter en fait ton art, hein, aussi ton vécu. On a parlé aussi de ton, comment dire, juste avant la pause musicale, on a traité de ta rencontre avec Mousse, d'ailleurs à qui on passe un petit bonjour. Dis-moi, les choses ont commencé à prendre forme, mais dis-moi, c'est quand que tu as décidé que tu allais t'appeler Cosmos? Alors, au début, je savais pas trop comment m'appeler artistiquement. Moi, je savais pas trop. Et après, ben, j'ai entendu l'album Cosmopolitanie de Soprano. Et après, j'ai cherché le terme Cosmopolitanie pour en savoir plus dans le dictionnaire. Et après, quand j'ai vu ce terme, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal, mais m'appeler Cosmopolitanie, ce serait un peu trop long. Et j'ai voulu trouver un nom qui met à la fois le monde entier, toutes les pensées et un peu tout l'univers, parce que moi, je suis très ouvert. Et j'ai voulu m'appeler Cosmos, un peu comme le cosmos, sans pour autant me prendre la grosse tête. Mais c'est comme ça que tu aussi ouvres les portes de ton univers, littéralement, parce que le cosmos, c'est l'univers. Et oui, c'est comme ça que de fil en aiguille, hein, tu as commencé à faire ta place. D'après ce que j'ai compris, tu en es uniquement à tes débuts. Ça fait combien de temps que tu collabores avec Airplay maintenant ? Alors, je suis venu, je suis venu au studio, j'étais en terminale, donc année du bac L, je passais un bac L spécialité théâtre et option musique. Et je crois que c'était fin 2016, si je ne me trompe pas. Ouais. Et pendant toute l'année 2017, on a travaillé activement sur l'EP. Et j'ai participé à ma première scène le 6 mai 2017 pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et c'est là où j'ai eu vraiment le tilt et que je me suis dit, ok, je vais pas décevoir le monde qui me suit. Et oui, donc c'est assez récent, hein, ce début de collaboration avec Airplay. Et maintenant, ça y est, tu sors un EP. D'après ce que j'ai compris, donc, tu as déjà fait un premier concert. Tu en as fait d'autres depuis ? J'en ai fait un autre. Je crois que c'était pour le Solimat, pour la sauvegarde de la maternité. J'ai voulu intervenir en interprétant NAH et Souvenir vivant et Le monde c'est nous, les trois titres que je voulais interpréter. Et après, j'ai fait la fête de la musique le 21 juin, toujours avec ces trois titres-là. Et sinon, niveau scène, j'ai juste fait trois scènes pour l'instant. Mais pour moi, les concerts sont tellement mémorables, le public change tellement, que pour moi, ça reste quelque chose. Comment ça se passe sur scène ? Comment tu vis ces moments-là avec le public ? Alors, au début, j'étais un peu rassuré parce que j'ai toujours été attiré par la scène. Le public, tout ça, ça m'a vraiment attiré vu que j'ai fait 6 ans de théâtre. J'ai fait un bac LSP théâtre, comme je l'ai dit. Et ce qui m'a paru vraiment bizarre à la première scène, c'est le stress. Parce que à la première scène de théâtre, je veux bien que ça soit stressant, mais on joue le rôle d'une autre personne, alors que là, le stress était vraiment énorme. Je me souviens, j'étais tout blanc aux coulisses. Mustapha me disait « Tu veux monter ou pas ?» Je disais « Je sais pas. » Et je sais pas pourquoi, quand on m'a dit mon nom, j'ai foncé. Et les artistes m'ont dit, mais il est capable de le faire. Et finalement, j'ai assuré jusqu'au bout, avec énormément d'émotion, parce que je voyais que le public me comprenait. Alors qu'au début, je me suis dit, voilà, des personnes qui ne me connaissent pas. Le texte va pas peut-être leur faire tilt. Alors ils étaient vraiment à fond dedans. Et quand je me suis exprimé à la fin de dire, oser en parler du harcèlement, que j'étais presque en larmes, il y a une personne qui m'a dit « ne pleure pas ». Je me souviendrai toujours de cette personne et c'est pour ça que ce concert restera gravé dans ma mémoire. Parce que c'était le premier, mais vraiment riche en émotions. Et c'est là que je me suis dit « oui, le public a besoin de moi et j'ai aussi besoin du public, alors il y a un respect entre les deux ». Et pour moi, ce respect, il est riche. Oui, et c'est tellement fort les émotions que tu as véhiculées en parlant de ce concert. Enfin, moi, je les ai prises en pleine tronche, littéralement. Et oui, donc c'était un souvenir grisant, j'imagine, qui te donne envie de continuer. Est-ce que tu as des dates de concert prochainement ou de participation à des événements ? Pas pour l'instant, mais je reste toujours ouvert, comme par exemple pour des conférences à propos du harcèlement scolaire. Dès l'instant que c'est pour aider à propos de ce sujet-là, je suis ouvert. D'ailleurs, en parlant de ce sujet, est-ce que tu accordes ton temps et ton écoute à des personnes qui ont subi du harcèlement, donc que ce soit elles ou leurs enfants, vu que, je le rappelle, le harcèlement fait énormément de dégâts. Est-ce que tu es aussi intervenu en établissement scolaire ? Alors, pour l'instant, non, mais... voilà, comme je le dis tout le temps, je suis ouvert à des propositions. Oui. Et vu que je cherche un service civique pour l'année prochaine, si on me propose un service civique dans la prévention à propos de ça, pourquoi pas ? Mais il n'y en a pas beaucoup, donc j'essaye de voir. C'est assez difficile. Oui, mais tu ne te décourages pas et c'est le plus important après tout. Pas du tout. Et c'est vraiment louable, hein. Michael disait hors antenne tout à l'heure et je pense que c'est important de le souligner. Après tout ce que tu as vécu, après tout ce qu'on t'a dit, t'es toujours là, t'es toujours debout, hein, comme un rocher face aux vagues, face à l'océan. T'es toujours là, tu lâches rien et vraiment, Mika l'a dit et moi je le dis aussi parce que je rejoins vraiment ce que Mika a dit. Ce sont des si beaux mots, félicitations, hein,

je resterai ce petit pêcheur passionné. Au bord de la Moselle accompagné d'un collet. Je resterai l'enfant du monde et de ses couleurs. Pourquoi gommer son enfance? À cause de ses peurs. Vous êtes de retour sur Radio Gemouzo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Souvenir vivant de Cosmos, hein, de ton album Plus que des paroles. Purée, il prend au trip ce morceau. Hein. Oui. Et si, oui, je vois Mika est pris au trip, littéralement. Et si un auditeur a aussi envie de partager ce moment plein d'émotions avec nous, eh bien, appelez au 03 29 62 40 40. Ce sera avec plaisir qu'on partagera ce moment très intense avec vous. Ou sinon, allez sur notre page Facebook. Mais Mika, tu sembles vouloir dire quelque chose. Hein. Pourquoi nous sommes émus ici dans ce studio? Parce que... Tu parlais de trip, Lou, mais justement, on sent que c'est écrit avec les tiennes. Là, il n'y a pas de... je veux dire, c'est pas quelque chose... C'est un travail d'auteur, mais en même temps, tu es écrit avec ton sang. Oui, voilà. Du moins, j'écris toujours avec ce que je ressens. Parce que pour moi, les mots ont toujours un sens. Ils ont plusieurs sens, et pour moi, le fait de... Comment ? D'avoir écrit Souvenir vivant, ça a été à la fois une thérapie, parce que au début, vu que j'étais harcelé, je me disais voilà, le monde est noir, l'enfance, tout le bonheur de l'enfance, c'est n'importe quoi, alors qu'en fin de compte c'était pas le cas du tout. J'en profite pour redire, je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, que vous pouvez acheter l'EP, c'est un 5 titres, hein, de Cosmos. 6 titres, il y a une intro au violon. Et après, il y a les 5 titres de Slam. Vous pouvez déjà contacter le Airplay Studio. Et puis, directement, peut-être auprès de toi, Cosmos, c'est pas plus mal quand on tape Cosmos dans Facebook. Il faut taper Cosmos officiel. Il faut taper Cosmos officiel et après, vous trouverez. Et ensuite, ça permet d'échanger avec toi et puis de commander ce CD. Alors on va dire 6 titres parce que l'intro effectivement ça compte aussi, ça peut compter comme un titre et c'est une ouverture, hein, c'est une porte dans l'univers de Cosmos. Et, voilà. Et puis le visuel, on n'en a pas parlé, ceux qui achèteront ce CD, ils auront bien sûr la galette avec le son dessus, et les morceaux dont certains que vous avez entendus aujourd'hui, et puis il y a aussi une pochette, il y a un visuel, des photos, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet aspect? Alors c'est un peu compliqué comme question. Ça a été réfléchi, c'est pas par hasard qu'il y a ces photos là. Ça a été pas fait au pif comme ça. On est allé chez un photographe pour faire les photos qui sont présentes sur les réseaux sociaux et sur la pochette en question. Je me permets de vous couper un petit instant vu que quelqu'un a appelé pour passer un petit message en live. Hein. Il s'agit de Mousse. Bonjour Mousse. Hello, hello tout le monde. Salut Mustapha. Comment t'es mon gars? Ça va? Ça va Mousse. Ça se passe très bien. Bon, en tout cas, on est dans le sud-ouest de la France. On appelle quand même, on écoute l'émission. Super. Franchement, bien joué. En tout cas, en tout cas, je voulais tenir à dire bravo parce que c'est un projet qu'on a suivi avec le cœur également. C'est un projet vraiment, la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est vraiment quelque chose où il faut vraiment dénoncer et essayer de le combattre au quotidien. Donc on espère qu'à la rentrée, on va pouvoir contacter aussi les collèges et lycées pour aussi que Cosmos puisse apporter son témoignage et qu'il puisse faire écho à tous les collégiens, les lycéens, les petits. Et voilà quoi. En tout cas, bravo pour ton projet, je te l'appelle dire. Oui, merci à toi surtout, parce que sans toi, j'aurais pas pu faire ça, vous. Ah ben, c'est une équipe, toute une équipe, Dorian, toi, moi. Ouais, qui ont travaillé derrière ce projet, mais en tout cas c'est un des plus gros projets qu'on ait eu cette année, et c'est pour ça que je tenais à le dire à la radio, et vraiment c'est un artiste à suivre parce que tout ce qu'il fait il le fait avec le cœur, Et c'est très très rare, très très rare. Beaucoup font ça pour une carrière, pour de l'argent ou pour essayer d'être plus populaire possible. Mais rare les artistes qui le font avec le cœur. Toi t'as un artiste qui le fait avec le cœur, donc continue comme ça. Un big up du Sud-Ouest, à Radio Gémozo. Merci Mimous. Hein, en tout cas voilà, je vous laisse parce qu'ici il y a beaucoup de vent. Oui. Ok. Et je vous remercie. Profitez bien. À bientôt. Lou, à bientôt. Oui, à bientôt. Big up à toi, Bika. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne ciao, chance. Peace, ciao, ciao. Ciao. Ça fait plaisir, ça. Oh bah, ça me fait énormément plaisir hein, d'entendre Moustapha au téléphone, toujours. C'est ce que je disais, hein, les auditeurs peuvent appeler sans aucun problème, et Moussa aussi est un auditeur de l'émission. Donc voilà, comme ça, vous avez une preuve qu'on peut passer des messages. On peut redire hein, que pour les personnes comme toi, Cosmos, qui ont des idées de projets, qui ont des choses à dire, bah, de contacter le Airplay Studio, l'association Airplay, pour peut-être enregistrer eux-mêmes leurs propres chansons. Oui, du moins, faut voir avec Moustapha, mais oui, si ils peuvent et s'ils ont vraiment le cœur pour le faire, eh ben, je les invite vraiment à y aller, parce que ça a réussi quand même à construire plusieurs artistes comme Hugo, Toulikal, Clems, qui a un avenir dans la musique, et moi, Cosmos, j'ai quand même réussi à faire un énorme truc grâce à eux, alors allez-y, n'hésitez pas. Si c'est pour prendre la parole et dire des choses vivantes, n'hésitez pas. Alors, concernant ce visuel de l'EP, plus que des paroles de Cosmos, et puis tout ce que vous pouvez voir en photo sur la page Facebook et les différents réseaux sociaux, parce que tu es présent aussi sur d'autres. Alors, je suis présent sur Instagram. Sur Twitter, je suis juste amateur, comme ça. C'était un ancien compte que j'avais et que finalement j'ai renommé pour parler avec des... faciliter le contact avec les personnes. Mais j'ai le projet de refaire un autre compte Twitter. Et les photos ? Qu'est-ce que tu peux continuer à nous dire ? Tu avais commencé à expliquer que ça n'avait pas été choisi par hasard, que vous étiez allé voir un photographe professionnel avec une demande bien précise. Oui, on est allé au studio de photographie d'Anaïs. Du moins, je me rappelle plus trop de son nom, mais je sais qu'elle fait un sacré bon travail. Elle est sur Épinal. Donc, si vous voulez prendre des photos chez elle, n'hésitez pas à y aller. Et je me suis rendu à ce studio de photographie. On a fait plusieurs clichés avec... tous les conseils que me disait la photographe pour exprimer une certaine émotion, une certaine allure, parce que c'est de l'art aussi la photographie, c'est un art. Et on a choisi les photos les plus expressives pour l'EP. Quelle était ta demande ? Qu'est-ce que tu voulais qu'il ressorte sur ces photos ? Alors, quelque chose de très vivant, qu'on me voit comme vivant et non mort, c'est-à-dire assis sur... sur une chaise, la tête baissée, comme je le faisais quand j'étais harcelé avant. Et puis, t'es bien sapé, hein, on peut le dire, hein, nous qui voyons la photo sur l'EP, sur la pochette. Belle chemise, tout. Bah, la chemise, je la mets tout le temps. Du moins, j'aime bien être bien habillé comme ça. Du moins, c'est un peu personnel. C'est à la fois montrer un côté personnel dans un côté professionnel. Et j'ai voulu, du moins avec Mousse, on en a parlé, et il m'a dit oui, la chemise blanche, le pantalon noir, ça allait bien avec mon univers. Oui, puis c'est un petit peu les couleurs du papier et du texte que oui, tu voilà. écris. Voilà. Est-ce que pendant que je prenais le téléphone pour parler de Mousse, je vois qu'on manque de temps, mais j'aimerais quand même revenir rapidement sur le titre de ton EP, Plus que des paroles. Vous en avez parlé de ça ? Alors le titre Plus que des paroles, il est très dur à chanter sur scène, parce que il exprime la perte d'un proche, ou plutôt d'un enfant, d'une famille, parce que au début je voulais m'adresser aux parents qui ont perdu un fils à cause du harcèlement scolaire. Mais en réfléchissant bien, je me suis dit non, il faut que ça soit quand même plus ouvert. mais je savais pas comment faire un texte qui parlait à la fois du harcèlement et à la fois de la perte d'un enfant pour diverses raisons, que ce soit à cause de la guerre, à cause d'une maladie, à cause de ça. Oui, dans certains pays comme la Syrie, il y a beaucoup de problèmes à propos de ça. Et j'ai pensé à ça, et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, fais un texte universel pour que ça touche tout le monde, et pas que des personnes concernées, pour vraiment donner une lueur d'espoir à tout le monde entier. Parce que quand je chante, moi je me dis, il y a le globe derrière. Même s'ils ne me comprennent pas, il y a un globe derrière. Si je paraphrase un petit peu ce que tu viens de dire, c'est que tes textes, en fait, c'est plus que des paroles dans la mesure où tu veux vraiment aller toucher le plus profond du cœur des gens qui t'écoutent. Oui, voilà, parce que pour moi, je trouve qu'on est dans une société qui favorise le silence. Et moi, honnêtement, excusez-moi d'être grossier, mais je vais dire fuck, là, faut prendre faut prendre le papier et dire que ça ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Parce qu'il y a des jeunes qui disent ça ne va pas, mais ils ne savent pas pourquoi. Ou ils ont la pudeur, comme moi, j'ai eu de cacher mon mal-être. Mais dans ce monde où on favorise le silence, la consommation ou je ne sais quoi, mieux vaut dire ce qui ne va pas pour aller vers de l'avant. On a évolué et on ne va pas s'en arrêter là. Oui, en effet, il faut parler, il faut briser les tabous, quels qu'ils soient. Hein. Moi, je le dis aussi, en tant que femme, il faut continuer à faire avancer le féminisme avec plein d'autres choses. Oui, je suis très féministe, moi, je vous le dis tout de suite. Oh, c'est bien. Parce que quand j'entends certains textes où on dit « la femme est en dessous », je dis « non, elle est comme moi, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle a le droit de faire du shopping, elle a le droit de faire ce qu'elle veut ». Même si malheureusement je n'ai jamais connu l'amour, je suis toujours tout seul, je dis ouvertement, toutes les femmes sont libres, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Et ce n'est pas parce que ce sont des filles qu'elles n'ont pas le droit. On est vivant, on est des êtres humains, donc on a tous les mêmes droits. Qu'on soit handicapé, qu'il nous manque un bras ou des jambes, on a tous les mêmes droits, donc voilà. Oui, en effet, on a Je défends les droits humains. C'est tellement, tellement touchant ce que tu dis, c'est tellement touchant dans la bouche de quelqu'un comme toi. C'est très cliché ce que je dis, mais il y a encore beaucoup de jeunes qui sont assez étroits d'esprit, du moins ce que les médias veulent bien en montrer. Mais il y a des gens comme toi qui sont là pour dire que ben non, tout le monde est égal, tout le monde doit parler sur ce qui ne va pas, sur... Les mots me manquent littéralement pour exprimer tout ce que je ressens en fait vis-à-vis de tout ce que tu as dit en une heure, tout ce que tu as montré, tout ce que tu as véhiculé. Et oui, je suis littéralement sans voix. Mais s'il y a une chose qui ne va pas me laisser sans voix, parce que malheureusement le temps va nous manquer, c'est le générique qui va amorcer avant les au revoir, hein, le programme de la soirée. D'ailleurs, vous savez quoi, même, allez hop, on se fait un kiff, on s'écoutera un dernier morceau juste après l'émission. Ce sera le morceau plus que des paroles, mais en attendant, c'est le moment de faire la programmation de la soirée. Donc à partir de 20h jusqu'à 22h, vous pourrez écouter Mounet et sa bande pour l'émission Memento Mori. Puis de 23h à minuit, c'est l'émission Rock à la Casbah, suivie de minuit à 1h, la rediffusion de La Bulle de Lia, qui a diffusé une interview qu'elle a faite d'une chanteuse que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Laïn, hein, c'est de l'électro-wave. Donc en fait, on était dans le Move Music cet après-midi sur Radio Gemozo avec Laïn, Gilou et enfin moi. Et puis bon, après Memento Mori qui parle plus de métal, voilà, chercher mes mots. Et donc, pour les petits... Sinon, qu'est-ce que je disais ? Oui, sinon demain matin, 7h-8h, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, suivie d'une chronique de notre stagiaire qui est là pour la semaine. Et pour les curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera en podcast sur notre page Facebook Radio Gemozo ou sur le site internet radiogemozo.eu, rubrique L'heure des loups, aisément écoutable, téléchargeable, peu importe les systèmes d'exploitation, ordi, tablette, smartphone, tout passe. Il n'y a aucun problème, c'est même aisément téléchargeable si je ne l'ai pas déjà dit, mais ça se trouve, je radote. Si Mika rigole, donc je radote. On se retrouvera demain 18h-19h pour... Ah, Mika, qu'est-ce qui se passe le vendredi ? Ah, l'action slam. Justement, ça va bien avec Cosmos. Oui, mais avant l'action slam. Ah oui, pardon, oui, non, moi j'étais déjà à 19h. Oui, oui, bah 18h, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'heure des loups, spéciale sortie événement culturel. Et oui. Vous allez pouvoir savoir grâce à loups tout ce que vous pourrez faire ce week-end. Oh, merci pour la pub, Mika. Ah, je devrais t'engager. En tout cas, je le dirai jamais assez. Cosmos, merci pour ta présence. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que tu reviendras pour la suite de tes aventures, peut-être un album, d'autres scènes, etc. En tout cas, maintenant le lien est créé. Et reviens nous voir. Oh bah, je pense que je reviendrai, hein. Il n'y a pas de souci. Ce sera un plaisir qu'on te retrouvera à l'antenne. En attendant, je ne retiens pas beaucoup plus longtemps les auditeurs, que je remercie aussi de leur attention. Après tout, sans eux, sans leur retour, parce qu'il y en a. D'ailleurs, j'ai quelques retours, j'ai un retour avec beaucoup d'émotion. Voilà, sur l'émission, donc n'hésitez pas à faire vos retours, hein, vous inquiétez pas, je suis réceptif. Bref, je vous retiens pas plus longtemps, mais encore une fois, merci Mika, merci mille fois Cosmos, hein, c'était vraiment une super émission. Donc on se quitte, et juste après le générique, je vous laisse avec le morceau Plus que des paroles. Et voilà, l'auditrice qui véhicule les émotions vous fait aussi des bisous. Enfin bref, cette fois, je vous retiens pas plus longtemps, on se retrouve demain, même heure, sur Radio Gemozo. Bonne soirée à tous, et merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir.